Le Volcan d'Or par Jules Verne. Première partie. Chapitre 1er. Un oncle d'Amérique. Le 17 mars de l'antépénultième année du dernier siècle, le facteur faisant le service de la rue Jacques-Cartier à Montréal remit au numéro 29 une lettre à l'adresse de M. Sam Esquem. Cette lettre disait « Maître Snobin présente ses compliments à M. Sam Esquem et le prie de passer sans retard à son étude pour une affaire qui l'intéresse. » À quel propos le notaire désirait-il voir M. Sam Esquem ? Comme tout le monde à Montréal, celui-ci connaissait Maître Snobin, excellent homme, conseiller sûr et prudent. Canadien de naissance, il dirigeait la meilleure étude de la ville, celle-là même qui, 60 ans auparavant, avait pour titulaire le fameux Maître Nick, de son vrai nom, Nicolas Sagamore, ce notaire d'origine huronne, si patriotiquement mêlé à la terrible affaire Morgaz, dont le retentissement fut considérable vers 1837. M. Sam Esquem fut assez surpris en recevant la lettre de Maître Snobin. Il se rendit aussitôt à l'invitation qui lui était faite. Une demi-heure plus tard, il arrivait sur la place du marché Bon Secours et était introduit dans le cabinet du notaire. « Bien le bonjour, M. Esquem, » dit celui-ci en se levant. « Permettez-moi de vous présenter mes devoirs. »« Et moi les miens, » répondit Sam Esquem en s'asseyant près de la table. « Vous êtes le premier au rendez-vous, M. Esquem. »« Le premier, dites-vous, Maître Snobin. Ne suis-je donc pas seul convoqué dans votre étude ?»« Votre cousin, M. Ben Radel, » répondit le notaire, « a dû recevoir une lettre identique à la vôtre. »« Alors il ne faut pas dire « a dû recevoir », mais « recevra », » déclara Sam Esquem. « Ben Radel n'est point à Montréal en ce moment. »« Va-t-il bientôt revenir ?» demanda Maître Snobin. « Dans 3 ou 4 jours. »« Diable !»« La communication que vous avez à nous faire est donc pressante ?» D'une certaine façon, oui, répondit le notaire. Enfin, je vais toujours vous mettre au courant. Et vous voudrez bien faire connaître à M. Ben Radel dès son retour ce que je suis chargé de vous apprendre. Le notaire mit ses lunettes, feuilleta quelques papiers épars sur la table, prit une lettre qu'il tira de son enveloppe et, avant d'en lire le contenu, dit « Monsieur Radel et vous, M. Esquem, êtes bien les neveux de M. Josias Lacoste. » En effet, ma mère et celle de Ben Radel étaient ses sœurs. Mais depuis leur mort, il y a 7 ou 8 ans, toutes relations ont été rompues avec notre oncle. Des questions d'intérêt nous avaient divisés. Il avait quitté le Canada pour l'Europe. Bref, depuis lors, il n'a jamais donné de ses nouvelles et nous ignorons ce qu'il est devenu. Il est mort, déclara Maître Snobin. Je viens précisément de recevoir la nouvelle de son décès survenu le 16 février dernier. Quoique tout rapport eût cessé depuis longtemps entre Josias Lacoste et sa famille, cette nouvelle ne laissa pas d'émouvoir Sam Esquem. Son cousin Ben Radel et lui n'avaient plus ni père ni mère, et tous deux, fils uniques, ils en étaient réduits à cette parenté germaine que resserrait une amitié fraternelle. Sam Esquem songeait que de toute la famille, il ne restait plus maintenant que Ben Radel et lui. À plusieurs reprises, ils avaient cherché à savoir ce qu'était devenu leur oncle, regrettant qu'il eût brisé tout le lien avec eux. Ils espéraient encore le revoir dans l'avenir, et voici que la mort tranchait négativement la question. Josias Lacoste, peu communicatif de sa nature, avait toujours été d'humeur très aventureuse. Son départ du Canada, pour aller faire fortune en courant le monde, remontait à une 20aine d'années déjà. Célibataire, il possédait un modeste patrimoine qu'il espérait accroître en se lançant dans la spéculation. Avait-il réalisé son espoir ? Ne s'était-il pas plutôt ruiné, avec son tempérament bien connu qu'il portait à risquer le tout pour le tout? Ses neveux, seuls héritiers, recueilleraient-ils quelques bribes de son héritage? À vrai dire, Sam Esquem n'y avait jamais pensé, et il ne semblait pas qu'il lui pensait davantage, maintenant tout à l'émotion que lui causait la disparition de leurs derniers parents. Maître Snobin, laissant son client à lui-même, attendait que celui-ci posât des questions auxquelles il était prêt à répondre. « Maître Snobin, » demanda Sam Esquem, « la mort de notre oncle est du 16 février ?»« Du 16 février, monsieur Esquem. »« Voilà 29 jours déjà. »« 29, en effet. »« Il n'a pas fallu moins de temps à cette nouvelle pour m'arriver. » »« Notre oncle était donc en Europe, au fond de l'Europe, en quelques contrées lointaines ?» interrogea Sam Esquem. « Nullement, » répondit le notaire. Et il tendit une lettre dont les timbres portaient l'effigie canadienne. « C'est d'un oncle d'Amérique, tout à fait d'un oncle d'Amérique, comme disent les Européens, que M. Ben Radel et vous êtes héritier. Maintenant, cet oncle d'Amérique a-t-il ou n'a-t-il pas tous les caractères classiques de l'emploi ? Voilà un point qui reste à élucider. » Ainsi dit Stremilskim, il se trouvait au Canada sans que nous en ayons eu connaissance. Oui, au Canada, mais dans la partie la plus reculée du Dominion à la frontière qui sépare notre pays de l'Alaska américaine, et avec laquelle les communications sont aussi lentes que difficiles. Le Klondike, je suppose, maître Snubbin? Oui, le Klondike, où votre oncle avait été se fixer il y a 10 mois environ. 10 mois, répéta Stremilskim. Et en traversant l'Amérique pour se rendre à cette région des mines, il n'a pas même eu la pensée de venir à Montréal serrer la main de ses neveux. « Que voulez-vous ? » répondit le notaire. « Sans doute, M. Joseph Lacoste était pressé d'arriver au Klondike, comme tant de milliers de ses semblables. Je dirais comme tant de milliers de malades en proie à cette fièvre de l'or qui a déjà fait et fera encore d'innombrables victimes. De tous les coins du monde, c'est une ruée vers les placeurs. Après l'Australie, la Californie. Après la Californie, le Transvaal. Après le Transvaal, le Klondike. Après le Klondike, d'autres territoires aurifères, et l'on sera ainsi jusqu'au jour du jugement, je veux dire, du gisement dernier. » Maître Snubbin communiqua alors à Stremilskim tous les renseignements en sa possession. C'était vers le commencement de l'année 1897 que Josias Lacoste avait pris pied à Dawson City, capitale du Klondike, avec l'équipement obligatoire de prospecteur. Depuis juillet 1896, après la découverte de l'or de le Golden Bottom, un affluent du Hunter, l'attention avait été attirée sur ce district. L'année suivante, Joseph Lacoste venait sur ces gisements, où la foule des mineurs affluait déjà, avec l'intention de consacrer à l'acquisition d'un claim le peu d'argent qui lui restait. Quelques jours après son arrivée, il devenait en effet propriétaire du claim 129, situé sur le Forty Miles Creek, un tributaire du Yukon, la grande artère canado-alaskaine. Maître Snubbin ajouta. Il ne semble pas d'ailleurs, d'après la lettre que m'a adressée le gouverneur du Klondike, que ce claim ait donné jusqu'ici tout le profit qu'en attendait M. Joseph Lacoste. Toutefois, il ne paraît pas être épuisé. Et peut-être votre oncle en eût-il finalement retiré les avantages qu'il espérait, si la mort ne l'avait surpris. Ce n'est donc pas la misère qui aurait tué notre oncle? Demanda Stremilskim. Non, répondit le notaire. La lettre ne dit point qu'il en ait été réduit là. Il a succombé au typhus, si redoutable sous ce climat, et qui fait tant de victimes. Atteint des premiers germes de la maladie, M. Lacoste a quitté le claim, et c'est à Dawson City qu'il a succombé. Comme on le savait, originaire de Montréal, c'est à moi que le gouverneur a écrit afin que je recherche la famille et que j'informe celle-ci de son décès. M. Ben Raddle et vous, M. Skim, êtes trop, et j'ajouterai trop honorablement, connus à Montréal, pour que l'hésitation m'ait été permise. Et c'est ainsi que je vous ai invité tous deux à venir prendre mon étude connaissance des droits que vous tenez du défunt. Des droits. Stremilskim ébaucha un sourire de mélancolique ironie. Il songeait ce qu'avait dû être la vie de Joseph Lacoste au cours d'une exploitation si difficile et si pénible. N'y avait-il pas engagé ses dernières ressources, après avoir acheté ce claim, peut-être à un prix exorbitant, ainsi que le faisaient trop d'imprudents prospecteurs? N'était-il pas même mort, endetté, insolvable? Ces réflexions faites, ce mesquine de dire au notaire, « Maître Snubbin, il est possible que notre oncle ait laissé derrière lui une situation obérée. Eh bien, et je me porte garant de mon cousin Raddle qui ne me désavouera pas, nous soutiendrons l'honneur du nom que nos mères ont porté. S'il y a des sacrifices à faire, nous les ferons sans hésiter. Il faudra donc, et dans le plus court délai, établir par un inventaire. « Je vous arrête là, mon cher monsieur, » interrompit le notaire. « Tel que je vous connais, ce sentiment ne m'étonne point de vous. Mais je ne pense pas qu'il y ait lieu de prévoir les sacrifices dont vous parlez. Bien que votre oncle soit vraisemblablement décédé sans fortune, n'oublions pas qu'il était propriétaire de ce claim de Forty Miles Creek, et cette propriété a une valeur qui peut permettre de faire face à toutes les charges de la succession, s'il en existe. Or, cette propriété est devenue la vôtre. Indivise entre votre cousin Ben Raddle et vous, puisque vous êtes les seuls parents de M. Joseph Lacoste au degré successible. » Maître Snubbin ajouta qu'il convenait cependant d'agir avec une certaine prudence. Cette succession ne devait être acceptée que sous bénéfice d'inventaire. On ferait état de l'actif et du passif, et alors les héritiers prendraient un parti en parfaite connaissance de cause. « Je vais m'occuper de cette affaire, M. Skim, » conclut-il, « et prendre les informations les plus sûres. Somme toute, qui sait, un claim est un claim, même s'il n'a rien ou presque rien produit jusqu'ici. Il suffit d'un heureux coup de pioche pour faire un heureux coup de poche, comme disent les prospecteurs. « C'est entendu, maître Snabin, répondit Sam Eskim. Et si le clim de notre oncle a quelque valeur, nous cherchons à nous en défaire aux meilleures conditions. » « Sans doute, approuva le notaire, et j'espère que vous serez d'accord là-dessus avec votre cousin. »« J'y compte bien, répliqua Sam Eskim. Je ne pense pas qu'il vienne jamais à l'idée de Ben Radle d'exploiter lui-même. « Et qui sait, monsieur Skim ? Monsieur Ben Radle est ingénieur. C'est un esprit aventureux, audacieux, il peut être tenté. » Et si, par exemple, il apprenait que le claim de votre oncle est situé sur une bonne veine ? Je vous garantis, maître Snabin, qu'il n'ira point y voir. Du reste, il doit être de retour ici dans 3 ou 4 jours. Nous nous consulterons à son sujet, et nous vous prierons de prendre toute mesure utile, soit pour la vente du claim de Forty Miles Creek au plus offrant, soit, ce qui me paraît le plus probable, qu'il y ait lieu de faire honneur aux engagements de notre oncle Joseph Lacoste. Sur cette conclusion pessimiste, Sam Eskim quitta l'étude du notaire en ajournant sa prochaine visite à 2 ou 3 jours et revint à la maison de la rue Jacques-Cartier que son cousin et lui habitaient ensemble. Sam Eskim était le fils d'un père d'origine anglo-saxonne et d'une mère franco-canadienne. Sa famille remontait à l'époque de la conquête de 1759. Fixé dans le Bas-Canada, district de Montréal, elle y possédait un vaste domaine de rapports, bois, terres et prairies, qui constituait la plus grande partie de sa fortune. Âgée de 32 ans alors, d'une taille au-dessus de la moyenne, la physionomie agréable, la constitution robuste de l'homme habitué au grand air des champs, les yeux bleus foncés, la barbe blonde, Sam Eskim offrait le type si personnel et si sympathique des Franco-Canadiens qu'il tenait de sa mère. Il vivait de sa propriété, sans souci, sans ambition, de l'existence du gentleman farmer, au milieu de ce privilégié district du Dominion. Sa fortune, sans être considérable, lui permettait de satisfaire ses goûts peu dispendieux, et jamais il n'avait ressenti le désir ni le besoin de l'accroître. Grand amateur de pêche, il avait à sa disposition tout ce réseau hydrographique des tributaires ou sous-tributaires du Saint-Laurent, sans parler des lacs si nombreux sous les latitudes septentrionales de l'Amérique. Passionné pour la chasse, il pouvait s'y livrer en toute liberté au milieu des vastes plaines et des gimoyeuses forêts qui occupent la plus grande partie de cette région du Canada. La maison que possédaient les deux cousins, sans luxe mais confortable, était située dans l'un des quartiers les plus tranquilles de Montréal, en dehors du centre de l'industrie et du commerce. C'est là que tout de passait, non sans attendre patiemment le retour de la belle saison, ces hivers si rudes du Canada, bien que celui-ci soit sous le même parallèle que le midi de l'Europe. Mais des vents terribles qui ne sont arrêtés par aucune montagne, des bourrasques chargées des froidures de la région arctique s'y déchaînent sans entrave avec une extraordinaire violence. Montréal, siège du gouvernement depuis 1843, aurait pu offrir à Sam Eskim l'occasion de se mêler aux affaires publiques. Très indépendant de caractère, dédaigneux du monde officiel, se mêlant peu à peu à la haute société des fonctionnaires, il avait une sainte horreur de la politique. D'ailleurs, il se soumettait très volontiers à la souveraineté plus qu'apparente qu'effective de la Grande-Bretagne, et jamais il n'avait pris position au milieu des partis qui divisent le Dominion. C'était, en somme, un philosophe aimant à se laisser vivre, sans ambition d'aucune sorte. À son avis, toute modification survenue dans son existence n'aurait pu amener qu'ennui, préoccupation et diminution de bien-être. On comprendra que ce philosophe n'eût jamais songé au mariage, et qu'il continua à n'y point songer, bien que 32 années eussent passé sur sa tête. Peut-être, si sa mère ne lui avait pas été enlevée, on sait combien les femmes aiment à se perpétuer dans leurs petits-enfants, peut-être eût-il fait l'effort nécessaire pour la doter d'une belle fille. Dans ce cas, aucun doute à cet égard, la femme de Sam Eskim aurait partagé ses goûts. Parmi ces nombreuses familles du Canada où les enfants dépassent souvent les 2 douzaines, il aurait trouvé soit la ville, soit la campagne, la jeune fille simple et saine qui lui eût convenu. Mais Mme Skim était morte 5 ans plus tôt, 3 années après son mari, et depuis ce moment, on aurait pu parier sans crainte que jamais la moindre velléité matrimoniale n'effleurait l'esprit de son fils. Dès les premiers adoucissements de la température de ce rude climat, lorsque le soleil plus matinal annonçait le retour de la belle saison, Sam Eskim s'empressait de quitter la maison de la rue Jacques-Cartier. Il se rendait alors à sa ferme de Green Valley, à 20 milles dans le nord de Montréal, sur la rive gauche du Saint-Laurent. Là, il reprenait la vie de campagne, interrompue par les rigueurs d'un hiver qui glace tous les cours d'eau et couvre toutes les plaines d'un épais tapis de neige. Là, il se retrouvait au milieu de ses fermiers, braves gens, depuis un demi-siècle au service de la famille, qui ressentaient une affection sincère doublée d'un dévouement à toute épreuve pour se mettre bon, d'humeur placide, aimant à rendre service, même s'il fallait payer de sa personne. Aussi ne lui épargnait-il pas les démonstrations de joie à son arrivée, non plus que de regret à l'heure de son départ. La propriété de Green Valley rapportait annuellement une 30 000 francs que se partageaient les deux cousins, le domaine étant resté indivise entre eux comme la maison de Montréal. On y cultivait en grand un sol très fertile en fourrage et en céréales, dont le rendement s'ajoutait à celui de ces bois magnifiques qui recouvrent encore les territoires du Dominion, principalement dans la partie orientale. La ferme comprenait un ensemble de bâtiments bien aménagés, bien entretenus, écuries, granges, étables, basse-cours, hangars, et possédait un matériel très complet, très perfectionné, répondant à tous les besoins de l'agriculture moderne. À l'entrée d'un vaste enclos, tapissé de pelouses et ombragé d'arbres, un grand pavillon, dont la simplicité n'excluait pas le confort, servait de maison de maître. Telle était l'habitation où Sam et Skim vivaient le meilleur de sa vie, et où Ben Huddle venait passer quelques jours hâtifs au cours de la belle saison. Le premier, tout au moins, n'eût pas voulu l'échanger contre n'importe quel château seigneurial du plus opulent des Américains. Si modeste qu'elle fût, elle lui suffisait, il ne rêvait ni d'agrandissement, ni d'embellissement, satisfait de ceux dont la nature fait tous les frais. Là s'écoulaient ses journées remplies par les exercices cinégétiques et ses nuits toujours favorisées d'un paisible sommeil. Contentus ou assorté, ainsi que le recommande la sagesse, Sam et Skim se trouvaient assez riches de revenus de ces terres qu'ils faisaient valoir avec autant de méthode que d'intelligence. Toutefois, s'ils n'entendaient pas laisser sa fortune dépérir, ils ne se souciaient en aucune façon de l'accroître. Pour rien au monde, ils ne se fût jeté dans l'une quelconque de ces innombrables affaires qui pullulent dans la trépidante Amérique, spéculation commerciale et industrielle, chemin de fer, banque, mine, société maritime ou autre. Non, ce sage avait horreur de tout ce qui présente des risques ou simplement des aléas. S'astreindre à supputer de bonnes ou mauvaises chances, se sentir à la merci d'éventualités qu'on ne peut ni empêcher ni prévoir, se réveiller le matin avec ses pensées « suis-je plus riche ou plus pauvre que la veille ?» Cela lui parut abominable, et il aurait préféré ou ne jamais s'endormir ou ne jamais se réveiller. C'était là le très marqué contraste entre les deux cousins. Qu'ils fussent nés de deux sœurs et qu'ils eussent tous deux du sang français dans les veines, à cela nul doute. Mais, si le père de Sam et Skim était de nationalité anglo-saxonne, le père de Ben Huddle était de nationalité américaine, et il existe assurément entre l'anglais et le yankee une différence qui s'accentue avec le temps. Jonathan et John Bull, s'ils sont parents, ne le sont plus qu'à un degré fort éloigné, et cette parenté, semble-t-il, finira par s'effacer entièrement. Que la diversité des origines ou toute autre raison fût cause de l'opposition de leur caractère, le certain était que les deux cousins, très unis d'ailleurs, et résolus à ne jamais se quitter, n'avaient ni les mêmes goûts, ni le même tempérament. Ben Huddle, de moins grande taille, brodé de cheveux et de barbe, de 4 ans moins âgé que Skim, ne regardait pas l'existence sous le même angle que lui. Tandis que l'un se contentait de vivre en bon propriétaire et de surveiller ses récoltes, l'autre se passionnait pour le mouvement industriel de son époque. Il avait fait ses études d'ingénieur et déjà pris part à quelques-uns de ses travaux prodigieux, dans lesquels les Américains cherchent à l'emporter par l'audace des conceptions et la hardiesse de l'exécution. En même temps, il ambitionnait la richesse. Non pas la petite aisance de nos médiocres millionnaires, mais le fleuve d'or des milliardaires américains. Les fabuleuses fortunes des Gould, des Astor, des Vanderbilt, des Rockefeller, des Carnegie, des Morgan et de tant d'autres surexcitaient son cerveau. Il rêvait de ces occasions extraordinaires, capables de faire monter en quelques jours au Capitole, comme parfois elles précipitent en quelques heures de la roche tarpéienne. Aussi, tandis que Sam et Skim ne se déplaçait guère que pour ses excursions à Green Valley, Ben Huddle avait-il maintes fois couru les États-Unis, traversé l'Atlantique, visité une partie de l'Europe, sans avoir jamais pu saisir jusqu'ici l'unique cheveu de l'occasion. Il était récemment revenu d'un assez long voyage d'outre-mer, et depuis son retour, il ne prenait pas une minute de repos, guettant sans se lasser l'énorme affaire à laquelle il pourrait apporter son concours. Cette opposition de leur goût était un gros chagrin pour Sam et Skim. Il redoutait sans cesse que Ben Radel ne fût entraîné à le quitter, ou du moins à engloutir dans une entreprise aventureuse le modeste avoir qui leur assurait à tous deux l'indépendance et la liberté. C'était là le thème d'incessantes discussions entre les deux cousins. « Mais enfin, Ben, disait Sammy, à quoi sert de se casser la tête dans ce que tu appelles si pompeusement les grandes affaires ?»« Cela sert à devenir riche, à devenir très riche, Sammy, répondait Ben Radel. « Eh, cousin, à quoi bon être si riche ? Il n'en faut pas tant pour être heureux à Green Valley. Que ferais-tu de ton argent ? Des affaires nouvelles et plus importantes, cousin. Dans le but d'amasser encore plus d'or, que je consacrerai à des affaires plus importantes encore. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'à la mort, sans doute, suggérait ironiquement Sam Eskim. Jusqu'à la mort, Sammy, conclut Ben Radel sans s'émouvoir, tandis que son cousin, ne trouvant rien à répondre, levait ses bras au ciel avec découragement.